Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 4, Gaumet du Pré 1862. Question 29. Du mariage de la Mère de Dieu. Notre Seigneur devait naître d'une Vierge mariée. Il y eut un véritable mariage entre Marie et Joseph. 1. Le Christ devait-il naître d'une Vierge mariée ? Il est dit dans l'Évangile, comme Marie, mère de Jésus, était mariée à Joseph. Matthieu 1, 18. Et encore, l'ange Gabriel fut envoyé à la Vierge Marie, mariée à un homme nommé Joseph. Luc 1, 26. Il convenait, pour le Christ lui-même, pour sa mère et pour nous, que la bienheureuse Vierge fût mariée. Le Sauveur, si elle ne l'avait point été, aurait pu être regardé par les païens comme un enfant illégitime. Les Juifs n'auraient pas consigné sa généalogie dans la série de leur génération, où l'on ne tenait compte que des hommes, et le divin enfant, privé de la tutelle d'un père, manquant peut-être de nourriture, aurait été en butte à plus de violence encore de la part des démons. En second lieu, la mère de Jésus, mise par le mariage à l'abri des sévérités de la loi contre les adultères, était en même temps préservée de toute infamie. Se pouvait-il qu'au moment où les signes de sa grossesse apparaîtraient, elle eût à rougir comme une personne qui a perdu son honneur? En outre, les soins et les bons offices de Joseph lui étaient nécessaires. Troisièmement, une telle disposition était utile pour nous, qui apprenons de Joseph lui-même que Jésus est né d'une vierge. Or, comme le disait saint Ambroise, il est un témoin d'autant plus irrécusable de la virginité de Marie, qu'il aurait pu, s'il n'avait pas connu le divin mystère, se plaindre d'une injustice et venger son opprobre. Marie, attestant sa propre virginité, a aussi la plus grande autorité. Si elle n'avait pas été mariée, on aurait pu croire qu'à l'aide d'un mensonge elle cherchait à déguiser sa honte, au lieu qu'engagée dans le mariage, elle n'avait aucun sujet de feindre. La fécondité de la femme étant le bonheur et l'honneur des familles. D'un autre côté, il ne convenait pas de laisser aux vierges imprudentes qui s'exposent à l'infamie cette excuse, que la mère du Sauveur avait paru déshonorée. Marie fut à la fois épouse et vierge, pour honorer dans sa personne la virginité et le mariage. Note. Le Seigneur aima mieux que l'on pût douter de sa céleste origine que de la chasteté de sa mère, il savait que la pudeur est tendre, et combien il est facile de flétrir la réputation d'une vierge. Fin de la note. 2. Y eut-il un véritable mariage entre Marie et Joseph? Marie et Joseph entrèrent dans le mariage sans aucune autre condition que d'y accomplir la volonté de Dieu, ils s'unirent conséquemment par un véritable mariage. Aussi l'ange appela-t-il Marie l'épouse de Joseph, bien qu'il n'y eût pas eu et qu'il ne dût jamais exister d'union maritale entre eux. C'était, dit saint Ambroise, un témoignage rendu à la vérité et à la légitimité de leur mariage. Saint Augustin ajoute, tous les biens renfermés dans le mariage se trouvaient dans celui de Joseph et de Marie, l'enfant, la foi et le sacrement. L'enfant était notre Seigneur Jésus-Christ, la foi, la fidélité que Marie et Joseph s'étaient promises, le sacrement, l'indissolubilité de leur union. Markendanarchive.org 2021. D'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.